Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Aujourd'hui, nous allons faire le top cruise du plus beau film. Top cruise. Et donc Paulin, les plus beaux films, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, je réfléchissais au début, je me suis dit, est-ce que je fais le film avec la plus belle photographie ou est-ce que la plus belle esthétique ou la plus marquante, machin. Donc, ça va être un petit mélange un peu de tout ça. Un mélange, mais c'est pas les meilleurs films. Ah non, c'est pas le meilleur film, ouais, c'est juste visuellement le truc impactant, quoi. Intéressant. Vois, au niveau esthétique et tout ça. Ce sera pas Légende. Non. Parce qu'il est dégueulasse. J'en profite parce qu'il n'y a pas le plus moche, je crois, dans les deux. Oui, oui, c'est vrai, il n'y a pas le plus moche. Je dis quand même, Légende, il est quand même parfois un peu dégueulasse, quoi. Oui. En numéro 3, oui. Je me suis dit, il y a Top Gun Maverick. C'est pas tant que la photo est belle, même si elle est quand même hyper classe, mais c'est juste l'impact visuel et esthétique. Je trouve qu'il y a un truc, un impact dans ce truc-là qui marche bien. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a vu dans une salle de Dolby Atmos complètement dingue avec des noirs plus noirs possible. Que noirs? Mais vraiment, ça te... C'est vrai, il est fort. C'est pas typé, il n'y a pas un style particulier, mais alors toutes les scènes d'aviation sont d'une esthétique quand même assez impact. Enfin, je trouve que c'est balèze quand même. Oui, oui. Ça m'a marqué et du coup, je me dis, ouais, quand même, ça. Ça reste en mémoire. Ouais, t'as des images quand même qui restent vachement fortes. Du coup, voilà. C'est pas forcément original comme photo, mais c'est impactant. Numéro 2, oui. J'ai deux films, surtout un, puis le deuxième un petit peu. C'est Minority Report. Oh oui, parce je suis d'accord. Parce que je me rappelle qu'on était quand même hyper agréablement surpris parce que c'est une photo pour la peine là qui est très typée et qui a plutôt bien vieilli en fait. Oui. Parce que dans les trucs de SF, souvent c'est un peu dégueu. Et en plus, là où c'est quand même assez iconique, c'est que c'est une esthétique qui a été reprise des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, quoi. L'esthétique SF, après Minority Report, tout le monde faisait le même genre d'image et tout ça. C'est et vrai. Ça a quand même posé un truc. Balèze et qui marche encore bien. Moi, c'est ça que je trouve assez surprenant, c'est ce qui marche toujours bien. Et après, un peu dans le même style, La Guerre des Mondes aussi. Je trouve que visuellement, c'est pour rester dans la logique, je trouve que visuellement, c'est pareil. C'est un truc quand même. J'aime beaucoup la photo et l'impact que ça amène, les images qu'on a. Je le trouve très très classe. Bah, après, c'est Spielberg et tout. Donc, et je trouve que, ouais, c'est pour moi, c'est. Mais après, voilà, pour moi, c'est deux trucs au niveau SF qui sont assez, assez impactants. Intéressant. Et number one? Et numéro un, là, c'est un goût personnel que j'aime bien, c'est Collateral. Oh. Parce que, bon, après, voilà, c'est Collateral, ça pourrait être n'importe quel film de Michael Mann, mais il a vraiment un style visuel qui marche bien. Et là, dans Collateral, c'est Los Angeles la nuit. Et juste ça, en fait, ça marche trop bien. Ça te met tout le visuel, tout le truc, ça te met une ambiance qui est géniale, avec cette espèce de grain vidéo un peu moche et tout ça. Et en fait, je trouve que c'est pareil, ça marche pas mal, quoi. Ça va. Parce qu'après, tu vois, sur tous les films, je trouve qu'il n'y a pas de film très stylisé, très esthétique. Il y a des gens qui vont peut-être kiffer, genre le dernier samouraï, parce que tu as des beaux paysages, machin, mais il n'y a pas de trucs qui sont vraiment. À part peut-être Minority Report, ouais, qui a un style très marqué ou collatéral. Mais sinon, c'est jamais des trucs complètement révolutionnaires ou fous. Voilà. Donc je me suis fait ce petit top 3. Voilà. Pas mal. Ouais, c'est vrai que j'aurais pas attendu Collatéral, mais t'as raison. Bah, ça met une ambiance. Ça met une ambiance et puis ça marche tellement bien. C'est vrai, ça va trop bien. Cool, merci Paulin. Avec plaisir. Et à demain. À demain.